الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون به الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا على عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصادقون لهم جاه عند الله فأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا ما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنه ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر واذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دونك لو تور دي لا ريبونس ديتايي Il nous dit que les ennemis de l'islam, les ennemis d'Allah, rencontrent beaucoup d'objections par rapport à la religion des prophètes. Et ils éloignent les gens de cette religion. Parmi les objections, ils disent Nous n'associons rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, on atteste que nul ne crée, nul ne donne la subsistance, nul n'est utile, nul ne nuit en dehors d'Allah, seul sans associé. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne possède pour lui-même aucun bien et aucun mal. Et plus encore, Abdel Qadir et d'autres. Mais moi je suis pécheur et les pieux, les vertueux, possèdent un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à Allah par eux. Voilà leur objection. Tu leur réponds par ce qui a été cité précédemment, c'est dans toute l'introduction du livre, c'est-à-dire que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils acceptaient et reconnaissaient ce que tu viens de citer, et ils reconnaissaient également que leurs idoles ne contrôlent aucune chose et qu'ils n'ont désiré que la, que leur rang et Shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. Et lis-lui alors les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Coran et explique-lui. S'il dit ensuite, ces versets que tu viens de citer ont été révélés sur ceux qui adoraient les statuettes. Comment peux-tu rendre les vertueux, les salihis, tels des statuettes? Ou bien, comment peux-tu rendre des prophètes tels des statuettes? Tu lui réponds par ce qui a été cité précédemment. C'est-à-dire que les kuffars de la Mecque, donc, reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont désiré, dans ce qu'ils ont fait, que l'intercession est si. Et en faisant cela, donc ils désirent faire une différence entre son acte et le leur. Explique-lui ensuite que les kuffars de la Mecque, parmi eux, il y en avait qui adoraient les statuettes et d'autres qui adoraient l'Oliya. On a dit dans le Coran, c'est-à-dire, ceux qu'ils invoquent désirent auprès de leur Seigneur ce qui peut les rapprocher de lui. Et ils invoquaient Isa de Maryam et sa mère. Allah nous dit, le Messie, fils de Maryam, n'est qu'un prophète qui a été précédé par d'autres prophètes et sa mère est une véridique. Tous les deux mangeaient de la nourriture. Regarde comment nous leur entourons les versets et regarde comment ils se détournent. Dis, adorez-vous en dehors d'Allah ceux qui ne possèdent pour vous aucun mal et aucun bien. Allah est celui qui entend tout et qui connaît tout. Et c'est lui ensuite également le verset où on a dit, et le jour où il les réunira tous, et il dira ensuite aux anges, est-ce que c'est ceux-là qui vous adoraient? Ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. En réalité, ils adoraient les démons. Beaucoup d'entre eux croient en moi. Et le verset où on a dit, lorsque Allah dira à Isa, ô Isa, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Il dira gloire à toi, il ne m'est pas autorisé, ou bien il ne m'appartient pas de dire cela. Et si je l'avais dit, tu le saurais, car tu sais ce qu'il y a dans mon âme et je ne sais pas ce qu'il y a dans la tienne, c'est toi qui connais la visée. Et tu lui dis également, tu as compris maintenant que Allah a rendu mécréants ceux qui se sont dirigés vers les statuettes. Et également ceux qui sont dirigés vers les saints et les dieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et n'a fait aucune distinction entre tous ces gens-là. S'il dit ensuite, Al-Kuffar, les mécréants, ils invoquaient leur divinité. Alors que moi, je sais que Allah est le seul qui est utile, le seul qui peut nous nuire et le seul qui contrôle. Et moi, je ne désire que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pieux, les vertueux, ne possèdent rien. Mais je me dirige vers eux en espérant leur intercession auprès d'Allah. Tu leur réponds alors que ça, c'est la même parole que disaient les mécréants de la Mecque. Exactement, sans différence. Et tu lui récites alors les versets où Allah nous dit, ils ont pris en dehors d'Allah des alliés et ils disent, nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et également, ils disent, Ha'ulani shufa'a'una indallah. Ils disent, voilà nos intercesseurs auprès d'Allah. Quand tu as dit, عن الشبهة الأولى وهي قولهم أنهم لا يشركون بالله شيئا لماذا؟ لأنهم يعتقدون ويشهدون أنه ليس هناك أحد يخلق ويرزق ويدبر الأرض ويتعودون إلى الله. Donc on avait répondu à la première ambiguïté où ils disent nous n'associons rien avec Allah, car nous attestons que nul ne crée, nul ne donne, nul ne peut nuire, nul ne fait mourir, ne donne la vie en dehors d'Allah. À partir de ce moment-là, on ne peut commettre aucun acte d'association. Donc on a répondu à cela en lisant les versets montrant quelle était la croyance des ses associateurs de la Mecque. Et donc, quand eux, ils vont dire, les versets que tu as cités ont été révélés sur les confins de la Mecque, qui adoraient les statuettes. Et nous, nous n'adorons pas de statuettes. Alors comment peux-tu appliquer ces versets sur nous? Alors voilà la deuxième ambiguïté. Et donc parfois les ambiguïtés sont libres. Parfois ce sera la deuxième ambiguïté, c'est la réponse à ces gens-là, la première. Je ne peux pas penser que la personne, en ayant expliqué la chose, la personne va dire que là j'ai compris. Non, il y aura d'autres objections et il faudra également y répondre. Et là, Shubhat ou bon, un homme yuriduna al yamna'uka min al istidlal min ayat allati nazalat fi al-kuffar ala fihi. Donc ils veulent interdire de citer comme preuve des versets qui ont été révélés sur les confins de la Mecque. Donc on a un élève de Benna Ali Shuba ou un Khou Ashir. Suleiman ibn Abdulwahab. Un Khou Ashir ou un Ali de Benna Ali Shuba ou un Allah Fakitab Ismou Sawaïk ou Al-Ilaniya. ورد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مفيد المستفيد على تارك التوحيد. Et donc on avait dit que celui qui avait donc fait cette on a cité cette ambiguïté par rapport à au prêche du Cheikh Issaq Mohammed ibn Abd al-Wahab, c'est son propre frère, Suleiman ibn Abd al-Wahab. Il avait même écrit un livre qui s'appelle Sawaïqo al-Ilahiyya, justement dans lequel il cite que ces gens-là, c'est les gens qui suivent Cheikh Mohammed ibn Abdulwahab, ils citent des versets tirés du Coran qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens de la Mecque et ils appliquent aux gens de notre époque, alors que nous ne faisons pas ce qu'ils faisaient. Farraddu ala hadhihi shubha. أنكم تمنعوننا من الاستدلال بهذه الآيات وفعلكم مثل فعله مثلكم مثل فعله فالعبرة ليس بالأسباب وليس بالأسباب وإنما بالعقل إذا أشركت بالله شيئا حقا لنستدل بكل آيات في القرآن تحدثت عن الشرك والإسلام لا يفرق بين المتماثلات فحق لي أن أستدل بآية نزلت في اليهود أو في النصارى أو في المشركين إذا فعلت مثل فعله Donc la réponse à cette ambiguïté. Premièrement, peut-être que ces versets ont été révélés à une époque, quand les gens faisaient tel ou tel acte, mais votre adoration est la même que la leur. Votre adoration est la même que la leur. C'est-à-dire que lui, les intercesseurs entre eux et Allah, et vous, c'est la même chose. Ils espéraient l'intercession, vous, c'est la même chose. Donc l'islam ne fait pas de différence entre les actes. Si un acte est semblable à un autre, l'islam interdit les deux actes. Deuxièmement, tous les versets du Coran ont été révélés pour mettre en garde les générations à venir. Il m'est permis de citer un verset révélé au prophète sur les juifs, si tu fais un acte semblable au leur. ou un verset récité révélé pour les chrétiens, si tu fais un acte semblable au leur. Et pareil pour un acte semblable au polythéisme, si tu fais un acte semblable au leur. Hadith Khutwa al-Ula fi raddi hadhihi al-shubha. ثم تفند شبهتهم في قولهم أن هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. تقول إن هناك آيات أخرى أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الصالحين لا الأصنام، وفي من عبد الملائكة لا الأصنام، وفي من عبد الأنبياء لا الأصنام. Donc ensuite, la deuxième étape de la réponse, c'est de leur montrer que, certes, les versets que l'on vient de citer ont été révélés pour ceux qui adoraient les statuettes, mais sache qu'il y a d'autres versets du Coran qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour blâmer ceux qui adoraient les pieux, ceux qui adoraient les anges, ceux qui adoraient les prophètes. Et parmi ces versets, les versets que Shir a cité. Et d'un droit, ذَكَرَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في من يعبد الصالحين. في من يعبد الصالحين. لأن الله تبارك وتعالى يقول أولئك، وأولئك يكون بالعقيد. Donc il a cité quatre versets pour citer que pour montrer que les versets du Coran n'ont pas tous été révélés pour ceux qui adoraient sa fesse. Il a cité le verset de Surat al-Isra, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux qui invoquent espèrent ou bien recherchent auprès de leur Seigneur le moyen pouvant le plus les rapprocher de lui. Donc ce verset est resté pour les salariés. C'est pour ça qu'il a dit Ouladika. Ou Yadodaroun. Leurs statuettes ne font pas cela. ثم استدل بآية سورة المائدة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف تبين له الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. يعني تعبدون عيسى عليه السلام وأمه. والله هو السميع العليم. Ensuite, le verset de Sourate Al-Maïda, il explique que des gens donc adoraient Aïssa, alayhi salam, et sa mère. Allah nous dit, le Basir, fils de Maryam, n'est qu'un prophète qui a déjà été précédé par d'autres prophètes. Et sa mère était une véridique. Et tous les deux, kanaya kulan et parmain. Allah cite qu'ils mangeaient de la nourriture, car Allah subhanahu wa ta'ala, ni ulazzahun alayhi akli wa shur. Allah ne mange pas ni ne boit. On va qu'il faut obéir le ayat et comment on va l'aïe au fabou. Regarde comment on leur expose les signes et regarde comment ils s'en détournent. Ensuite il dit pour la terre, pour la vie de l'Ilahi, malayim ni koulakoum, d'abord la fin. Adorez-vous en dehors d'Allah ceux qui ne possèdent pour vous ni mal ni bien. Donc en réponse à ceux qui adoraient Aïssa alayhi salam et sa mère. Allah wa sami'a. ثم ذكر آية سورة السلام التي دلت على أن منهم من كان يعبد الملائكة. Ensuite il a cité le verset sur la Sabah montrant que certains adoraient les anges. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Le jour où il les réunira tous, et ensuite il dira aux anges, est-ce que c'est ces gens-là qui vous adoraient? Ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. En réalité, ils adoraient les démons. Les djinns leur ont fait croire qu'ils adoraient les anges, alors qu'en réalité, ils adoraient les démons. également dans sourate Al-Ma'ida, où il dit Allah à Isa ibn Maryam, فأنت قلت للناس اتخذوني وهم يا إلهي من دون الله. Lorsque Allah dira, ô Isa, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre, toi et ta mère, comme deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire cela. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a dans mon âme et je ne sais pas ce qu'il y a dans la tienne. Isa wa Umma. Donc il y a des gens qui adoraient Isa et sa mère. Donc l'auteur a cité cela pour montrer que dans le Coran, il n'y a pas que des versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour blâmer et définir comme association que l'adoration des statuettes. Donc il y a des versets sur As-Salihin, il y a des versets sur Malaika, des versets sur les prophètes. Tout cela a le même statut. Adihiya Shubatu. إذا رددنا على شبهتهم الثانية وهو من استدلال الآيات التي نزلت في حق كفار قريش. Donc en faisant cela, on a répondu à leur ambiguïté, qui est le fait de vouloir interdire de citer comme preuve des versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les polythéismes de la Mecque. وقل له أو فإن قال هذه الشبهة الثالثة الكفار يريدون منهم يعني يريدون من أصنامهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه سبحانه وتعالى والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله Donc voilà la troisième ambiguïté. Ils diront, les mécréants de la Mecque désiraient de leur statuette. C'est-à-dire qu'ils disaient, Ya Manat Urzuqni, Ya Manat Ishfini. Donc ils demandaient directement à leur statuette. Alors que moi, j'atteste que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui est l'utile, le seul qui peut nous nuire, le seul qui contrôle toute chose. Et lorsque j'invoque, je ne demande que de lui. Et As-Salihun, les pieux, donc je prends comme un successeur, je sais très bien qu'ils ne possèdent rien. Mais je me dirige vers eux en espérant leur intercession auprès d'Allah. الفرق بين هذه الشبهه والشبهه الاولى ان في الاولى قالوا لا نشرك بالله بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا يدفع ولا يدعو الا الله يدخل ويتقرب الربوبيه فهو موحد أن يتقرب الربوبيه فهو موحد وهنا تحدثوا عن الكفار انهم كانوا يريدون من آلهتهم فالديفيرونس هو في الامبيغيتي هي لا بروميير سي دو لا بروميير ils ont dit toute personne qui atteste de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala est un mouhid donc la vérité de l'ici d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas associée ici il n'y a pas les associateurs en disant qu'ils désiraient directement de leur statut. Voilà la différence entre les deux ambiguïtés. Alors là, nous chérons une heure de chevaux à nous sommes. Alors oui, ça vous est là. فرقا بين الكفر وبين المشركين. وقصدهم سرعة commentaire alors qu'il n'y a pas de différence entre vous et les polythéistes de la Mecque. C'est pour ça qu'on a dit dans la traduction l'auteur, c'est vrai que vous avez dit quelle était la croyance des gens de la Mecque et quel était le point de divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. Et pourquoi ils les ont battus? À partir du moment où ils ont dit que les anciens de la Mecque, ils invoquaient directement leur divinité en espérant d'elle, ça c'est fait. Et les versets qu'on retrouve, leur expérience. Elles disent, elle a dit à Tabado, Midouni Aouliya, Raya, Bonou, et là, il y a un résultat dans les œuvres. Et ils diront également, on a un réel qui fera un résultat. C'est ici que vous répondez. À cette ambiguïté, on répond, l'auteur nous dit, Hao Anahada, pour une fois, ça va être ça. C'est exactement la parole des lecteurs de la Mecque. Donc on avait vu dans la production la croyance de tous ces gens-là. Donc s'ils pensent que les instruments de la Mecque adoraient ou invoquaient directement sa Mecque, ils ont complètement faux, car on a dans le Coran, nous cite quelle était leur adoration. Donc ils ont pris en dehors d'Allah des alliés en disant nous les adorons, afin qu'ils nous rapprochent. Et ils disent également, Hala Ilal, Shufa'a, Ila, Aïdallah. Et ils disent également que ces gens-là que nous adorons sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Tu approuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de lui vouer une adoration exclusive. Et que l'adoration est le droit d'Allah sur toi. Il dira oui, parce que les versets sont très nombreux. Nous devons pour le Seigneur dire à la lettre de notre Hadès. Le Dieu dit qu'Allah a imposé que l'adoration soit exclusivement pour lui. Donc il dira oui. Tu lui diras alors, explique-moi ce qui t'a été imposé. C'est-à-dire le fait d'avoir une adoration sincère envers Allah. Donc tu me dis que ce que je fais n'est pas de l'adoration. Mais d'abord, explique-moi c'est quoi l'adoration. Il se peut que donc, il ne sache pas, là il y a le fruit, il a la table à la noire, car il ne connaît pas l'adoration ni ses sens. À ce moment-là, tu lui montres qu'est-ce que c'est que l'adoration en citant le verset de Sourate Al-A'raf. C'est-à-dire invoquer votre Seigneur, donc tadarruan, c'est-à-dire avec humilité et discrètement. Si tu, après lui avoir appris cela, dis-lui alors, sais-tu maintenant ce qu'est l'adoration d'Allah? Il dira oui. Et l'invocation est le et le cerveau de le cerveau pour expliquer cela de l'adoration. Dis-lui ensuite, si donc tu acceptes que l'invocation est une adoration. Et que tu invoques en moi jour et nuit, par crainte et par espoir. Et un jour, tu as besoin de quelque chose et tu invoques un prophète ou quelqu'un d'autre. As-tu commis de l'association pour l'adoration d'Allah? À ce moment-là, il te répondra oui. Dis-lui alors, connais-tu la parole d'Allah pour lui dire, enfin, sans les lampes et qu'elle en prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et que tu obéis à Allah. C'est-à-dire que tu sacrifies pour lui, est-ce que cela est une adoration? Il dira oui. Dis-lui alors, si tu sacrifies pour une créature, pour un prophète, pour un démon, ou pour un père, est-ce que tu as connu l'association dans l'adoration d'Allah? Il dira forcément oui. Tu lui dis alors que les polythéistes sur qui a été révélé le Coran, est-ce qu'ils adoraient les anges? Est-ce qu'ils adoraient les vertus, est-ce que j'ai adoré les lettres, et tout cela. Donc après, c'est après ce développement, après avoir expliqué qu'est-ce que c'est que l'Ibada, que l'invocation rentre dans l'Ibada, que le sacrifice rentre dans l'Ibada, à ce moment-là, tu lui dis, est-ce que donc les associés de la Mecque associés à Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, les dieux et l'être, une de leurs statues. Forcément, il répondra oui, et tu lui dis alors, est-ce que leurs adorations étaient seulement, est-ce que leur ascension n'était autre que dans l'invocation, dans le sacrifice, dans le fait de se diriger vers eux? Sinon, tous les associateurs reconnaissaient qu'ils étaient, qu'ils sont les serviteurs d'Allah et sous sa puissance. Et que Allah est celui qui contrôle toutes choses, mais ils ont invoqué donc les anges, les dieux, etc. Et se sont dirigés vers eux en espérant leur intervention et leur intercession. Alihi Yashubhatu Arabia. Le fait qu'il y ait Tisro Shubhat. Alihi Shubhat. Yakulu Annama Ta'ala Mbaltijan Al-Sarihi. وطلب منهم الشفاعة ليس عبادة لهم. كل ذلك ليس عبادة لهم. بل الدعاء والطلب ليس بعبادة. طيب ما هي العبادة عندهم؟ ما هي العبادة عندهم؟ والسجود مثلا، تسجد للتماثيل أو تسجد لرجل صالح، هذا عندهم هي العبادة. دونك لا كاتب إلى ils visent le fait qu'on se dirige vers les dieux pour leur demander, de demander d'eux l'intercession, ce n'est pas de l'adoration. Ce n'est pas de l'adoration. Et lorsqu'ils doivent leur demander qu'est-ce que c'est que l'adoration, donc, et c'est dans le Coran, il dit par exemple, est-ce que je peux, le fait de se prosterner devant ces choses-là, je me prosterne devant. Un saint, à ce moment-là, c'est de l'adoration. Mais le seul fait de l'invoquer, de lui demander l'intercession auprès d'Allah, cela n'est pas de l'adoration. وعندهم أن الطلب من الأولياء الأموات كطلبك من الحي المسلم أن يدعو لك ولا يفرقون بين الحي والميت. Également, ils ne font pas de différence entre l'invocation d'un mort et d'un vivant. Donc, lorsque tu demandes à un saint décédé, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de vivant de te donner quelque chose. Et d'ailleurs, الرد على هذه الشبهة يكون أولا بأن تطلب منهم أن يفسروا لك معنى العبادة، يقول إذا ما تقول لم تقل أن الدعاء والالتجاء والطلب ليس عبادة، فما هي العبادة؟ Premièrement, on va demander à cette personne qui nous explique qu'est-ce que c'est que l'ibada pour lui. Donc il nous dit que le fait d'invoquer les saints, ce n'est pas de l'adoration. On va lui dire, donnez-nous une définition de l'ibada. Donnez-nous une définition de l'ibada afin qu'on apprenne pourquoi on est arrivé. Et là, nous, أن يفسر لك العبادة يمكن أن يفسر لك العبادة تفسيرا صحيحا، أن يقول لك العبادة هو الذل والخضوع بفعل الطاعات، الذل والخضوع بفعل الطاعات، وأنه كل ما يحب الله تبارك وتعالى. Et ce que tu te réponds, il y a trois cas de figure. Soit il te répond et te donne une bonne description de l'ibada. Donc c'est peu probable, comme c'est jamais. Il te dit que l'ibada, c'est le fait de faire avec amour, avec humilité. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est. Il se peut qu'ils te disent là, qu'ils te disent, je ne sais pas ce que c'est, l'ibada. Ça, c'est la plupart des gens d'entre eux. Ils viennent expliquer ce que l'ibada, ils ne savent pas ce que c'est, ils viennent trouver ce que je veux. Si tu dis là, tu dis, t'as conquis, t'as tout le chien, voilà, t'as des meufs. Comment peux-tu dire que telle chose fait partie de l'ibada, alors que toi tu es incapable de me donner la définition de l'ibada. Alors moi, l'ihtimal thani. Pour l'ihtimal thani, voilà l'ifassir laka l'ibadata tafsiran li khati'an. Yaqul laka l'ibadatu hiya ar-ruku' aw l'ibadatu hiya as-sujud. أو يقول لك العبادة هو الذل والخضوع لمن تعتقد أنه ربا لك فهو يفسر لك العبادة النفسية لا يدخل فيها الدعاء ولا الطلب. Donc le troisième cas de figure, qui est le plus probable, c'est qu'il donne une définition de l'Ibada qui est erronée. Donc la belle histoire. Donc il y a trois questions, il n'y a pas plus que ça. Soit il donne une vraie définition, soit il ne sait pas, soit il donne une définition fausse. Et l'autre peut dire que l'Ibada, par exemple, c'est la conservation, l'inclinaison. Si je me conserve devant d'autres programmes, je vais alors adorer. Si je m'incline devant d'autres programmes, je vais alors adorer. Ou bien il te dira, c'est le fait d'accomplir un acte avec humilité, avec amour, vers autre qu'Allah, vers celui dont tu crois qu'il est ton Seigneur. Donc c'est ça qu'on avait dit dans la première ambiguïté. Vous avez dit, à partir du moment où tu sais qu'Allah est ton Seigneur, tu n'es pas polythéiste. Tu n'es pas polythéiste. Bref, il faut citer des définitions de la ibada afin de ne pas y faire rentrer Ad-Dua. إذن أنت ستناقشه بأن العبادة هي كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالأدوراسيون سي تو سكو الله أيم كون أكت وبارول كسوا نو أبارونت أو فإذا بدأت عبدت الله، فإذا دعوت الله عبدته. Donc on dit que pour tout ce qu'Allah il aime, c'est le droit. Allah il aime le sacrifice, c'est pour ça qu'il a ordonné. Il aime l'invocation, c'est pour ça qu'il a ordonné pour la mort. Donc lorsque tu sacrifies pour Allah, tu l'as adoré. Lorsque tu invoques Allah, tu l'as alors adoré. الله يحب الاستغاثة به فإذا استغاثت به عبدته الله إلا كرتم بدون سكون بس بدون سكون قبل الله فلا أدور أدور أدور إسنتي غير سكرة ثم تقول له هل كلامي صحيح بس كلا بقول إكزاكت لا بد أن يكون نعم ودينا فرصمون وي ودينا فرصمون Oui, et donc ça c'est une introduction, afin donc de l'amener vers ce désir de lui et vers ce sur quoi, sur ce qu'on veut blâmer. Et donc, il a afin de dire à la tête, à la vie du pouvoir, à la vie du pouvoir, à l'estimation du pouvoir, à la vie du pouvoir, à la vie du pouvoir. On veut l'amener au point, premièrement, quand on lui a décrit l'adoration. Ensuite, on va lui expliquer les choses entrant dans l'adoration. Le Qur'an, le verbe, l'estirafa, l'estirana, le tawakko, toutes ces choses-là sont toutes les choses qu'on a à donner dans l'adoration, c'est l'adoration. Et que toutes ces choses-là, Allah veut qu'elles soient exclusivement pour lui. Donc si tu sacrifié pour autre chose, tu as alors fait une adoration pour autre chose. Si tu as repos sur Allah, tu as alors adoré autre chose. Le moyen de faire un moment, c'est ce qu'elle a dit à Yaté. La Yatoula, Rokholou, Ta'ala, ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فصل لربك وانحر. Donc l'auteur il a cité deux versets. Seulement pour montrer que ces deux choses font partie de l'adoration. ou de haut, alors pas que la loi de confiance. Impliquer notre Seigneur par humilité et discrétion. Donc on voit ici qu'il a donné l'ordre de l'invoquer. Et donc on a dit, quelque chose comme ça, c'est pas dans le cas, là, on peut faire cette adoration. Passons l'île de l'Ambikalantra. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc deux ordres, la prière et le sacrifice. Donc le sacrifice et l'adoration. Donc on ne parle pas de la prière ici, car il y a personne qui prie pour les dieux. Je parle des actes de l'association qui commettent, c'est dans l'invocation, dans le sacrifice, dans le fait de donner le secours, etc. المؤلف رحمه الله ذكر حديثا وهو الدعاء مخ العباده مخ العباده المخ هنا بمعنى اللب اهم شيء في العباده هو الدعاء اهم شيء في العباده هو الدعاء لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم العلماء رحمه الله عليه بالضعف منه المنذري في الترغيب والترهيب وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله حتى الإمام الترمذي الذي يعني روى عنه حديث في جامعه حكم عليه بالضعف فالدكتور رحمه الله يستطيع حديث في الدعاء مخ العباده l'invocation est mouf, c'est-à-dire que la moelle de l'invocation, de l'adoration. L'invocation est la moelle de l'adoration. C'est-à-dire la chose la plus importante dans l'adoration est l'invocation. Et ce hadith n'est pas authentique, elle est même au lui-même. La statue qui a été faite après avoir signé dans son livre de Jamir, également le même Mouhri dans le Tari au Tari, également c'est le même Bani Rahim Allah. Et il y a un autre hadith dans le même sens qui est authentique, le hadith de Nu'man ibn Bashir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada, wa huwa ila al-Tirmidhi aidan. الدعاء والإنسان لا يكون إلى الإنسان هذا نفس الشيء يمكن أن يكون هذا نفس الشيء لا يكون هذا نفس الشيء الحج عرفة البرنامج عرفة عرفة هو الموضوع plus important pour le pèlerinage ici également la chose la plus importante dans l'adoration est إذا المؤلف رحمه الله يتدرج مع خصمه حتى يوصله إلى نقطة الخلاف بينهم فهو في البداية يعني يكون منه أن يعرفه العبادة ثم يصلون إلى تعريف متفق عليه بينهما ثم يبين له أن الدعاء والذات والاستغاثة وغير ذلك من العبادة حتى يقرر القسم أن ما يفعله المشركون هو عين ما كان يفعله المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكنت رحمه الله وبدأ الله سبحانه وتعالى Il utilise plusieurs étapes. Donc, au début, il demande qu'on lui définisse l'ibada. Après être arrivé à une définition dans laquelle ils se sont d'accord avec l'ibada, il demande que l'invocation, le sacrifice, le fait de demander secours, tout cela et autres font partie de l'adoration, l'ibada. Ensuite, on pourra arriver au point où il est obligé d'accepter que toute personne qui fait ces choses-là pour votre compte, alors commis de l'association dans l'adoration dans la Sourate de la Coran. وتختلفون في بعض الاشياء انه جاءك رجل مثلا يشرب مسكر يشرب ويسكي فانكرت عليه فقال لك الا ليس خبرا وتقلت له إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر ويقول لك إنها ليس خمرا الخمر هو ما يشرب من العنب وهذا ليس مصنوعا من العنب وقريب ما ذكروا المشركون هم قالوا نحن لا نشرك بأي شيء ولا عبدنا غير الله تبارك وتعالى من العبادة يسجدون والركوع الآن الشخص يشرب الويسكي يقول له إن الله حرم الخمر يقول لك إن هذا ليس خمرا يقول له ما هو الخمر يقول لك إن الخمر ما صنع من العنب يقول لك هذا ليس هذا تعريفا صحيحا إنما الخمر كل ما خمر العقل كل ما خمر العقل والغلطة فهو خمر La manière de procéder la stéréotype, ça peut être utilisé dans beaucoup de chapitres, pas seulement dans l'article. Lorsque par exemple, l'univers avec une personne, il faut avancer étape par étape. Il faut qu'on commence par se mettre d'accord sur certains points. Admettons que tu vois une personne qui boit du whisky. Et tu viens, tu lui dis que l'on doit l'interdire, et ah, tu te dis ce n'est pas le temps. On va se mettre d'accord sur le khamr. Qu'est-ce que c'est d'être le khamr? Vous êtes sûr le khamr? C'est ce qui est fabriqué à base de raisin. À ce moment-là, tu lui expliques le présent du khamr. Khamr, c'est tout le bas, khamr, tout ce qui recouvre la raison. Ça s'appelle khamr. الخمار خا بدرا كل سنة سنة ستة تسكي بكوف تسكي بكوف إذا نتعلم من هذه الشبهة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين